بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى أما بعد فaujourd'hui ou cette nuit la nuit du 2 du mois de Safar de l'année 1443 après la hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous entamons la 8e assise de notre série d'assises sur le commentaire de la poésie de l'Ilbiri At-Ta'iyya. Nous nous étions arrêtés sur sa parole et jusqu'à présent, on a un petit peu duré sur l'explication des vers et vous allez voir que petit à petit, on va durer de moins en moins, à part à certains moments, puisque ce sont des conseils qui se répètent et dans lesquels Al-Ilbiri détaille un conseil précédent. Donc, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà expliqué, mais simplement, on va lire les vers et on va avancer. Comme par exemple ces vers-là. Où il dit, rahimallah, وَتُفْقَدُ إِنْ جَهِلْتَ وَأَنْتَ بَاقٍ وَتُوْجَدُ إِنْ عَلِمْتَ وَلَوْ فُقِدْتَ وَتَذْكُرُ قَوْلَتِي لَكَ بَعْدَ حِينٍ إِذَا حَقًّا بِهَا يَوْمًا عَمِلْتَ وَإِنْ أَهْمَلْتَهَا وَنَبَذْتَ نُصْحًا وَمِلْتَ إِلَى حُطَامٍ قَدْ جَمَعْتَ لَسَوْفَ تَعُضُّ مِنْ نَدَمٍ عَلَيْهَا وَمَا تُغْنِي النَّدَامَةُ إِنْ نَدِمْتَ إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلت. Il parle ici Al-Ilbiri rahmahullah dans son conseil à son ami Abu Bakr, de même que à ceux à qui parvient ce poème jusqu'à nous et ceux après nous inshallah. Il vient détailler ces conseils qui ont précédé sur le délaissement de l'ornement de la vie d'ici-bas, le fait de se tourner vers ce qui est important, et parmi ces choses les plus importantes, ce qui reste auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala, les bonnes œuvres, les œuvres pieuses, et parmi ces œuvres pieuses, plutôt la meilleure des œuvres pieuses, la recherche de la science dans la religion, l'apprentissage de la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il dit dans le sens approximatif de ces paroles, si tu es un ignorant, si tu es un ignorant dans la religion d'Allah Azza wa Jal, tu seras comme perdu, comme quelqu'un de perdu, tombé dans l'oubli. Ceci même si tu es présent. Et si tu fais partie des gens qui ont su, qui ont connu la religion d'Allah Azza wa Jal, qui ont appris, tu feras partie de ceux qui sont présents, et ceci même si tu es perdu. Comme je l'ai évoqué précédemment, toutes ces fois où on dit « Qala Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah » Combien de fois tu peux l'évoquer dans ta journée lorsque tu parles de ta religion? Al-ulama, avant eux, as-sahaba, radhiyallahu alayhim. En particulier les savants parmi les sahaba. Ibn Mas'ud, radhiyallahu anhu, a dit. Mu'adh, Ibn Jabal, Ibn Abbas, a dit dans le tafsir de ce verset, radhiyallahu anhum. Puis après les imams, l'imam Malik a dit, l'imam Abu Hanifa, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, Abu Daoud rapporte dans ses sunnans, At-Tirmidhi rapporte dans ses sunnans, des gens qui sont morts il y a combien d'années? Pourtant, tous les jours tu parles d'eux et tu les évoques. Et parmi les bénédictions de cette science qu'ils ont appris, ce nombre de du'a incalculable que les musulmans font pour eux, depuis leur mort jusqu'à la fin des temps, Inch'Allah. Rahimahullah. Ici, un point très important. Lorsque tu dis sallallahu alayhi wa sallam ou alayhi salam, de même que cette expression radiyallahu anhu, de même que cette expression rahimahullah. La voix des gens de la sunna est le fait de demander les prières, les salutations d'Allah sur les prophètes et messagers. Ceci est la voix des gens de la sunna. Sallallahu alayhi wa sallam pour les prophètes et messagers. Alayhi salam pour les prophètes et messagers. De demander l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala sur as-sahaba. Ceci est la voix des gens de la sunna. Radiallahu anhu. Et de demander la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala sur les savants. Rahimahullah. Ceci est la voix des gens de la sunna. Ce n'est pas de la voix des gens de la sunna de dire Ali sallallahu alayhi wa sallam. Comme on l'a dit, la voix des gens de la sunna c'est de dire des messagers ou des prophètes et messagers sallallahu alayhi wa sallam et de sahaba radiyallahu anhu. Ceci est la voix des gens de la sunna. De même que de dire karramallahu wajha, ça ce n'est pas la voix des gens de la sunna. Plutôt, comme on l'a Comme vous le savez, c'est plutôt la voix de Shia. Al-Rawafid en particulier. Je parle de dire sallallahu alayhi wa sallam. En particulier cette expression-là, sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, karramallahu wajha, mais surtout sallallahu alayhi wa sallam à propos de Ali. Aujourd'hui, je lisais donc par rapport à Shia, j'ai vu que certains d'entre eux font des anachid. Vous connaissez l'anachid, donc c'est comme ils disent les chants religieux. Hein. Ça, ce n'est pas le sujet ici. Mais parmi l'anachid de Shia, ils disent, en parlant de Ali et de Al-Hussein, Ya Halal Al-Mashakil. Celui qui. Celui, donc en parlant de Ali et de Hussein, celui qui. Comment on dit Ya Halal Al-Mashakil, hein? Qui résout, Ahsan, celui qui résout les problèmes. Ils invoquent Ali, radiallahu an, et son fils Al-Hussein, radiallahu an, ou an sahabati ajma'in, par Ya Halal Al-Mashakil. Ô toi qui résout, Ya Halal, c'est Sirat Mubalara, donc celui qui résout en gros tous les problèmes. Ou en tout cas la plupart des problèmes, mais ce qu'ils veulent dire, c'est celui qui résout tous les problèmes. Ilahun ma'allah. Est-ce qu'il y a une divinité avec Allah, tabaraka wa ta'ala, digne d'adoration? Tabaraka wa ta'ala. Donc, la voix des gens de la sunna, as-salah ala al-anbiya wal-mursalin. Le fait de dire sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes et messagers. Al-taradi an sahaba, le fait de demander l'agrément, radiallahu anhu, sur as-sahaba. Et demander al-rahma, al-tarahum, ala al-a'imma wal-ulama. Faites de demander al-rahma pour les imams et les savants. Ici, lorsqu'on dit radiallahu an pour al-sahaba et lorsqu'on dit rahimahullah pour les savants et les imams, quelle est la différence entre ces deux expressions-là? Pas au sujet de l'expression en elle-même, puisqu'on l'a dit, ceci c'est la demande d'agrément et ici, c'est la demande de miséricorde. Mais du point de vue de du dua en soi, de l'invocation en soi. Quelle est la différence? Est-ce que quelqu'un connaît la différence entre ces deux choses-là? Hein? Tfaddal Kamel. Non, radiyallahu anhu, Allah a déjà donné l'agrément. Ahsant. Alors que dans Rahimahullah, on demande à Allah de... Ahsant. Donc la différence entre les deux? L'un est déjà donné, est déjà exaucé, et l'autre... L'un est une information, un khabar. Ahsan Kamel Barakallahu Fik, l'un est un khabar, c'est une information. Quand tu dis radiallahu an sur un sahabi, c'est une information que tu donnes. Et lorsque tu dis rahimahullah, ce n'est pas une information, tu ne sais pas. Ça, tu fais un dua à Allah Azzawajal qu'il donne la miséricorde à cet imam. La différence entre les deux. Et bien sûr, quand on dit c'est une information, c'est aussi un dua que tu fais pour eux. C'est le dua des croyants pour les sahaba, sans aucun doute. Mais à la base, comme Allah Azza wa Jal nous a informé qu'il les a déjà agréés, ceci est une information, c'est la différence. Alors que quand tu le dis pour un savant, tu ne peux pas donner une information sur ça, tu fais dua, car Allah Azza wa Jal lui accorde la miséricorde. De même que lorsque tu vois dans les livres des savants, قَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. L'imam Shafi'i a dit qu'Allah l'agrée. Ceci est autorisé ou pas? C'est autorisé, c'est un dua. On a dit la voix des gens de la sunna, c'est de demander l'agrément pour les sahaba. C'est la voix des gens de la sunna de demander miséricorde. Mais ça n'empêche que tu as le droit de demander l'agrément pour un imam. Qu'Allah l'agrée. Comme quand tu dis Allah yarda alik. Allah yarda ank. C'est un dua que tu fais à la personne. Tu demandes l'agrément d'Allah. Donc ce dua n'est pas interdit. On a juste dit la voix des gens de la sunna, c'est comme cela. Et ce dua est quelque chose de permis. Mais quand tu diras l'imam Shafi'i, radiallahu an, ici, ce sera un dua et non une information. Mais quand tu diras Ali, radiallahu an, ce sera une information. Et un dua aussi, mais ce sera une information, sans aucun doute. De même que de dire... de demander à Allah Azzawajal de prier sur un tel. Sallallahu alik. Est-ce que c'est autorisé? Tu dis un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais est-ce que c'est autorisé de dire sallallahu alik? Hein? C'est un peu bizarre. Oui, mais oui, parce que dans le Coran, il y a un moment où il y a un dit ça, voilà, Ahsan, ça c'est Ahsan. Ici, dans ce verset, As-Salah, c'est dans son sens de Ad-Dua, puisque la base de la de As-Salah dans la langue arabe, c'est Ad-Dua. Mais ici, il y a une preuve qui se trouve dans le Sahih de l'imam al-Bukhari où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allahumma salli ala Ali Abi Awfa. Abdallah ibn Abi Awfa radiyallahu anhu. Lorsqu'il est venu avec as-sadaqat, avec des aumônes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ce dua Allahumma salli ala Ali ibn Abi Awfa. Abi Awfa. Donc, on voit que ceci est autorisé. C'est un dua. Mais comme je le dis, encore une fois, la voix des gens de la sunna, c'est ceci. Donc, c'est autorisé de le faire comme un dua, mais pas de prendre cela comme une habitude et une chose qui démarquera les gens de cela. Plutôt, ce qui démarque les gens de la sunna, Ahlus Sunnati wal Jama'a, c'est As-Salah pour les prophètes et messagers. La demande d'agrément, radiyallahu anhu, pour les sahaba et la demande de rahma pour les savants de la sunna. D'accord ? Si c'était juste un petit... mais on a passé beaucoup de temps par rapport à ça. Juste pour terminer ici, il dit donc par rapport à cela, tu es présent, ton évocation auprès des gens est présente, ceci même si tu es parti, si tu es mort depuis de longues années, comme on le voit pour l'ulama. Puis il lui dit, tu te rappelleras ma parole, tout ce que je viens de te dire. Et ici, il s'adresse à son ami Abu Bakr. Tout ce que je viens de te dire dans cette poésie, tu te rappelleras de cela après un temps. Si tu as œuvré selon ce que j'étais conseillé. Et si tu as délaissé mon conseil, et tu n'y as pas fait attention, et que tu t'es dirigé vers les biens de ce bas monde et l'ornement de ce bas monde, tu ne l'as pas délaissé, tu t'es dirigé vers ce qui t'est profitable, la demande de la science, et bien à ce moment-là, tu vas regretter. Et le regret ne te profitera en rien à ce moment-là. Puis après, il dit, et si tu regardes tes amis qui se sont élevés jusqu'au ciel, tes amis qui ont étudié, qu'Allah Azza wa Jalla a élevé dans ce bas monde comme dans l'au-delà, si tu regardes tes amis qui eux ont étudié, ont appris la science, qui se sont élevés, et toi, ils se sont élevés par rapport à toi, et toi, tu es resté en bas, plutôt tu es descendu, parce que tu n'as pas appris la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Dans le sens approximatif de ces paroles, puis il dit, rahimahullah, فَرَاجِعْهَا وَدَعَنْكَ الْهُوَيْنَا فَمَا بِالْبُطْءِ تُدْرِكُ مَا طَلَبْتَا وَلَا تَخْتَلْ بِمَالِكَ وَالْهُ عَنْهُ فَلَيْسَ الْمَالُ إِلَّا مَا عَلِمْتَا. Révise ta propre personne, revois, fais un retour sur toi-même et délaisse الْهُوَيْنَا. الْهُوَيْنَا, c'est le kessel, la feignantise. Fais un retour sur toi-même, fais un retour sur ta propre personne et délaisse la feignantise. Car ce n'est pas en avançant doucement que tu arriveras à ton but, à ce que tu as demandé. Ici, nous voyons la parole de cet imam parmi As-Salaf, radouanallahi alayhim, Yahya ibn Abi Kathir, rahimahullah, qui dit, comme dans le Sahih de l'imam Muslim, il dit, « La yustata'u l'ilm birahati l'jism » C'est-à-dire, dans le sens approximatif de ces paroles, une personne n'est pas capable d'arriver à la science, de prendre la science par le repos de son corps. Dans le sens, une personne n'arrivera pas à ce but lorsqu'il recherche la science en se reposant, en dormant, en se reposant sur ses lauriers, comme on dit. Plutôt, il a besoin de faire des efforts. Pour cela, ce n'est pas quelque chose qui vient comme cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, comme on l'a évoqué, innama al-ilmu bit-ta'allum. La science ne vient, n'est que par l'apprentissage. À l'inverse de ce que disent les soufis, lorsqu'ils disent que cette chose, elle descend directement sur eux. Et ils disent, comme on l'a évoqué dimanche, par al-kashf ou al-mukashafat ou al-fayd ou kada wa kada. Muhim. Donc ici, il faut savoir que Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens de ses paroles, Azza wa Jal, et ceci s'applique à toute œuvre pieuse, et sans aucun doute, la science, comme on l'a dit, est parmi les meilleures des œuvres pieuses. Il dit Azza wa Jal dans le sens de ses paroles, et concurrencez-vous dans les bonnes œuvres. Et ceci, l'étude de la science, est parmi les meilleurs des bonnes œuvres, comme je l'ai dit. Et le fait de se concurrencer dans l'étude de la science est comme la concurrence, le fait de se concurrencer dans autre que cela parmi les adorations, parmi les bonnes œuvres. Comme par exemple, le fait de se concurrencer pour avoir une place au premier rang. Ceci est une bonne œuvre. Et il y a des hadiths qui montrent cela. Et la concurrence dans l'étude de la science est de la même sorte que cela. Car c'est une bonne œuvre parmi les meilleures des bonnes œuvres. Et on peut voir que l'imam al-Bukhari, rahimahullah, dans son sahih, a donné un sous-chapitre, a dit « Bab al-ribtatu fil ilm » c'est-à-dire la porte ou le sous-chapitre de « Al-ribta » c'est la jalousie dans la science. Mais cette jalousie, quelle est-elle? On a « al-hasad » et « al-ribta » on a deux sortes de jalousie. « Al-hasad » c'est la jalousie. Et le ribta, c'est la jalousie aussi. Quelle est cette jalousie qui est voulue par l'imam al-Bukhari ici, lorsqu'il utilise le terme le ribta? Et quelle est cette jalousie qui est voulue par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit, comme dans ce hadith qui est rapporté dans les deux recueils authentiques, selon Abdallah ibn Mas'ud, où il dit, « La hasada illa fithnatayn » il n'y a pas de jalousie sauf dans deux choses. Il n'y a de jalousie que dans deux choses, ou il n'y a pas de jalousie si ce n'est dans deux choses. Il utilise le terme « hasad ». Et ici, l'imam al-Bukhari, il a utilisé le terme « ribta ». La différence entre ces deux termes-là, ici, l'ulama, ils disent dans la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « La hasada illa fithnatayn », il n'y a pas de jalousie. Et il utilisa ce terme « al-hasad », il dit « Ce qui est voulu par le terme « hasad », c'est le « ribta ». Ici, c'est le « ribta ». Pourquoi? Parce que « al-hasad », c'est le fait d'être jaloux, de désirer une chose qui se trouve chez ton frère, tout en désirant en même temps que cette ni'ma, que ce bienfait, parte de lui, s'en aille de lui. Tu vois quelque chose chez ton frère, tu es jaloux de cette chose-là, tu veux cette chose-là pour toi, et tu désires en même temps que cette chose-là vienne de lui jusqu'à toi, ou que cette chose-là t'arrive, et qu'elle ne lui arrive plus, elle ne soit plus chez lui. Ça, c'est le hasad. Et le ribta, c'est une bonne jalousie, c'est le fait d'être jaloux, de cette bonne jalousie, de ce qui se trouve comme bienfait chez ton frère, de désirer que ce bienfait arrive à toi aussi, mais sans que ce bienfait s'en aille de ton frère, parte de lui. Ce bienfait reste chez lui et t'arrive à toi aussi. Ça, c'est le ribta. Et c'est ce qui est voulu, c'est par la parole du prophète Sallam lorsqu'il dit « La hasada illa fitnatayn » donc il n'y a pas de jalousie, sauf dans deux choses. Il dit dans le sens de ses paroles, sallallahu alayhi wa sallam, « Un homme à qui Allah aura donné des biens et il dépensera de ses biens dans le chemin de la vérité. » Et une personne à qui Allah aura donné la sagesse et il donnera le jugement selon cette sagesse, il jugera entre les gens de manière sage selon cette sagesse et il l'enseignera aux gens, cette sagesse. Et le hadith a plusieurs narrations ici. C'est cette narration qui se trouve dans les deux recueils authentiques de l'imam al-Bukhari et de l'imam muslim. Ici, je terminerai sur cela, la parole de l'Hafid Ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullah, qui est mort en 795 après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-Hafid Ibn Rajab. Il dit dans le sens de ses paroles, il convient aux croyants de s'attrister lorsque les actions méritoires, les actions religieuses méritoires lui échappent. Il convient aux croyants de s'attrister lorsque les actions religieuses méritoires lui échappent. C'est pour cela qu'il t'est ordonné dans les œuvres religieuses, dans les choses ayant attrait à la religion, de regarder celui, d'observer celui qui est au-dessus de toi et de le concurrencer dans ces choses. Puis il dit, rahimahullah, et si une personne est meilleure que toi dans une action religieuse méritoire, dans une œuvre religieuse méritoire, tu devras faire des efforts afin de le rattraper. Afin de le rattraper. Et tu devras être triste de ce que tu auras manqué par rapport à cela. Et tu devras être triste lorsque tu ne pourras le rattraper ou tu ne pourras rattraper ceux qui t'ont précédé dans cette action méritoire. Pas par jalousie. Ici, le terme qui est utilisé, c'est le hasad. Pas par jalousie. Donc la mauvaise jalousie, le hasad. Envers eux, par rapport à ce que Allah Azza wa Jalla les a préférés, mais plutôt de manière à les concurrencer et à avoir cette bonne jalousie envers eux et en étant triste par rapport à ton manque d'effort dans la concrétisation de ces œuvres méritoires dans ta religion. Et dans le fait, tu es triste, dans le fait que tu n'as pas atteint ce degré qui a été atteint par ceux qui t'ont précédé dans les bonnes œuvres. Dans le sens approximatif de ces paroles, wa illa huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin.